Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Clem. Salut Clem, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, bon, après j'ai plein d'anecdotes hein, parce que je fais ça depuis longtemps. Après une en particulier, je sais pas trop, mais je fais ça ouais, depuis quelques années maintenant. Donc quand tu parles de galère, ça me fait rire parce qu'effectivement, c'est que de la galère, que des soirées galères, des moments galères. Après, il y a aussi beaucoup de bons moments et tout ce qui fait qu'on tient sur la durée, mais effectivement, en termes de galère, on est gâtés, on va dire. C'est ça. Et donc toi, quelle est, par exemple, si jamais il y en a une, tu dois raconter qui t'a marqué, c'est laquelle qui t'a marqué, vas-y. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est plus une anecdote négative, on va dire, mais en même temps, ça m'a donné des petites leçons, tu sais. C'est moi, à la base, j'ai commencé ce métier-là, j'ai voulu m'engager dans ce métier-là parce que je suis partie voir Gad Elmaleh en spectacle, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, moi aussi, je veux faire ça. En fait, c'est un métier, je veux faire rire les gens et tout. Et donc, je me lance là-dedans. C'est un peu galère au début, mais ça se passe assez bien parce que je suis une fille, il n'y en a pas beaucoup. Et ça commence assez bien. On commence à m'inviter un petit peu partout, etc. Et un soir, je joue dans une salle pleine à craquer. C'était au Sceaux Gymnase, pour les humoristes qui connaissent. À l'époque, c'était une salle qui marchait bien. Et il y a 80 personnes. Plein à craquer, truc de fou, ambiance de folie et tout. Et il y a l'organisateur de la soirée qui vient me voir et qui me dit dans l'oreille, Clem, franchement, joue ton meilleur sketch parce qu'il y a les managers de Gad qui sont là et ils cherchent une première partie. Oh. Et là, j'entends ça, mec, je me décompose, je suis dans ma tête, je suis en panique, urgence et tout. Tu sais, quand j'ai trop de stress, moi, c'est pas bon, tu vois. Quand je monte sur scène, il faut que je me sente bien, que je me sente comme à la maison, tu vois. Ouais, en fait, il aurait pas fallu que tu le saches, quoi. Exactement, ouais, exactement. En plus, j'aurais pris mon kiff, parce que plus il y a de monde, plus tu kiffes, grosse ambiance et tout. Et là, j'entends ça. Je monte sur scène, je fais un truc, évidemment, qui marche fort d'habitude. Et je prends un bide, mais le bide de ma life. Et dans ma tête, il y a Clem, t'es en train de ruiner ta carrière. Tu sais, parce que quand t'es jeune, tu te dis que chaque occasion, c'est un peu l'occasion de te faire péter, tu vois, de te faire exploser, de percer, on va dire, tu sais. Et quand t'es jeune, tu crois à ça. Tu te dis, chaque fois que t'as une petite étoile, t'as une petite chance, tu te dis, si je la saisis pas, après, c'est mort. Et dans ma tête, je suis en état d'urgence absolue. Je bide ma race et je passe un très, très mauvais moment. Et après, pendant un mois, j'y pense. Et au bout d'un mois, tu oublies, tu as un autre bide qui arrive derrière et tu as vite oublié celui-là. Mais c'était très, très dur ce moment-là. Bah oui, j'ai l'impression qu'en fait, on dramatise un petit peu, autant dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser, comme tu le disais, qu'il ne faut pas rater les occasions et tout machin. On se dit, cette scène-là, si je la cartonne, je perce. Et dans l'autre sens, on se dit, cette scène-là, si je bide, c'est terminé pour moi. Mais non, en fait, ni dans l'un ni dans l'autre, ça marche. Ce n'est pas du tout ça. C'est en fait, ça peut aider, oui, mais je pense qu'il n'y a rien de définitif au final, tu vois. Ouais, exactement. En fait, c'est une accumulation. Donc, si tu marches un peu tout le temps, tu vas finir par te faire opérer. Si tu bides un peu tout le temps, on va finir par dire, ouais, il est bof en ce moment, tu vois. Mais après, tout peut s'inverser à tout moment. Et effectivement, il n'y a rien qui veut rien dire. Il faut vraiment prendre les trucs. Et c'est dur, hein, mais moi, je te dis ça à la cool, comme si j'avais 10 ans de carrière, en mode, pas du tout, mec. Faut vraiment prendre les trucs à la légère, tu sais, les castings, les scènes importantes, les concours, tout ça, c'est des trucs, faut se dire, ok, bah, je vais jouer, je vais faire comme d'hab et je joue pas ma vie. Mais attention, je ne sais pas le faire encore, ça. Ouais, c'est un apprentissage qui prend du temps, vraiment. Ouais, et la question que je me pose, c'est combien de temps tu as eu entre ce fameux bid devant les managers de Gad et ta scène d'après, en fait, pour pouvoir prendre une revanche? Après, c'était une époque, je jouais tous les jours, donc en réalité, ça va assez vite. Hein. Ah, d'accord, parce que quand tu m'as dit, j'ai attendu un mois après, j'y pensais plus, j'ai cru que tu avais laissé un mois, genre en non, mode... Non, certains humoristes qui s'auto-flagellent, tu vois, ils se disent, ça, j'ai bidé, il faut que j'attende avant de remonter, tu sais, ils se remettent trop en question, et voilà. Non, pour moi, quand tu bides, il faut remonter direct. Direct. Ça ne va pas forcément inverser la tendance, hein, parce que des fois, tu essayes des textes, tu essayes des vannes, et tu peux bider pendant 3 semaines, tu vois. Et ça, c'est assez dur à vivre. C'est des périodes qui sont là, pour le coup, tu es vraiment au fond du trou, mais ça ne veut rien dire, et il faut remonter directement sur scène, je pense. Moi, je suis totalement de cette école-là, tu vois, de remonter en selle tout de suite. Il faut vraiment ne pas attendre et tout, parce qu'il faut juste aller réaffronter affronter le public à nouveau, tu vois, et puis voir ce que ça donne. Et de toute façon, le bide, c'est formateur. Donc aujourd'hui, ton passage qui est un texte parodé va bider. Demain, tu vas bider un peu moins. Après-demain, encore un peu moins. Et puis à un moment, ça va finir par devenir un hit. Ouais, c'est ça, exactement. Faut du temps. Comme tu disais, faut forger pour devenir forgeron. Ça prend du temps. Ouais. C'est à la virgule près. C'est parfois c'est chaud. Mais C'est bon, vrai. faut s'accrocher, hein. Et toi, tu t'es accroché et tu as bien eu raison, hein. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir vu. Moi, je t'avais vu sur le plateau du Paname, ce qui a été diffusé sur France 2. Ouais. Et ouais, vraiment, c'est cool. On se dit, tu vois, si tu avais abandonné à ce moment-là, bah, ça aurait été dommage, quoi. Ouais, mais tu vois, pareil, genre. Pour moi, toutes mes télés, parce que du coup, j'en ai fait d'autres. J'ai fait le Paname sur France 2. J'ai fait sur Culture Box. Je ne sais pas si tu as vu un peu les émissions autour d'eux, là. J'ai fait ça avec Tony Saint-Laurent. J'ai fait aussi la RTBF. Là, j'ai fait Tarmac. le Tarmac, exactement. Et pour moi, c'est pareil. C'est des trucs où dans ma tête, je me dis, allez, là, tu joues un peu ta vie et tout, et du coup, c'est forcément moins bon qu'en vrai, quoi. C'est voire nul des fois. France 2, moi, j'ai pas passé un bon moment, c'était nul, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était. Il n'y a rien qui se passe comme tu as envie que ça se passe. Et ce qui fait que les mecs qui sont très bons, qui ont beaucoup d'expérience, des mecs qui sont très forts comme des mecs qui étaient avec moi, hein, comme Redouane, des mecs qui ont vraiment de l'expérience, qui. Quand ils ont ces moments-là où faut tout donner, ou entre guillemets ces moments importants, et ben ils vont être pareils que si c'était une scène dans une cave, tu vois. Ils vont avoir la même détente. Et cette D'accord. détente-là, pour moi, elle est super dure à trouver. Et quand il y a des caméras, encore plus, tu vois. D'accord. Mais après, je pense que toi, tu n'étais pas satisfaite de ton passage. Après, tu sais comment tu l'as ressenti. Mais je ne sais pas si c'est les mecs au montage qui ont fait de l'excellent boulot. Mais en tout cas, à l'image, c'était propre, quoi. Ouais, j'ai pas du tout accroché. Ça disons que ça s'est pas passé comme je voulais que ça se passe. C'est un texte, tu sais, moi, quand on m'a annoncé que j'allais faire l'émission sur France 2, j'ai travaillé de ouf. Je l'ai répété, ce texte-là. J'ai joué tous les jours, 2, 3 fois par jour, etc. Je l'ai saigné, on va dire. Et le jour J, ça se passe jamais comme tu as envie que ça se passe. Ouais. Et Mais bon, au moins, c'est tu as mis toutes les chances de ton côté quand même. Oui, bien sûr, mais ouais, c'est une question, pour moi, c'est une question d'expérience. C'est peut-être si maintenant je ferais encore une télé, peut-être que j'aurais un petit peu plus de détente, parce que j'en ai fait 3. Je me dis, voilà, ça se passe comme ça. Typiquement, la RTBF, c'est la dernière que j'ai faite. Et là, je me suis vraiment sentie bien, tu vois. Je me suis dit, ah, il n'y a pas de pression, tu connais ça, tu as déjà vu les caméras, tu sais comment ça se passe. Et plus t'en fais, plus je pense, tu gagnes en expérience et en détente. Et la détente, c'est ce qui fait que t'es marrant, en fait. Absolument, oui, c'est sûr. Plus tu es détendu, plus ça passe, le texte va passer et tout. Les gens sentent la détente dans ton texte et il vaut mieux dire des vannes moyennes en étant détendu que dire des vannes de tueur en étant stressé, en Ouais, c'est tremblant, clair. en bégayant, en bafouillant, tu Ouais. vois. Puis moi, je vais pas bafouiller, mais tu vas tout de suite. Déjà, j'ai une voix qui est, on va dire, on qualifierait de pourri, mais en plus, quand je suis stressée, ça part encore plus dans les aigus et tout, et on sent direct quand la meuf elle est en panique sur scène, quoi. Bonsoir. D'accord. Ah, mais faut que t'en joues de ça. Après, tu fais des vannes dessus, sur ta voix. Ouais, mais tu T'as sais, déjà des vannes, voilà. j'en avais à une époque, j'en faisais beaucoup et tout, mais il y a tellement de meufs qui font des vannes sur leur voix. Au bout d'un moment, j'ai dit, allez, stop, je laisse ça, c'est dans la boîte à vannes qu'on fera plus, parce que c'est trop utilisé, c'est trop trop facile, trop classique, tu vois. D'accord. Et donc, ouais, à part ces télés-là, du coup, il y a des endroits où tu as vraiment stressé, genre par exemple pour des grosses premières parties ou. Ouais, j'ai fait la première partie de Norman un jour, c'était au Paname, hein, mais pareil, j'étais stressée. En fait, la meuf est nulle, quoi. Tu sais. Elle est... En fait, je suis marrante que quand je joue dans une cave devant trois personnes. C'est... Non, mais tu sais, il y a des trucs forcément qui te mettent en panique. J'ai joué à... chez moi, il y a une énorme salle de théâtre, 700 personnes, que des petits jeunes et tout. J'étais paniquée aussi, truc de fou, quoi. Mais bon, et après, il y a des scènes où ça se passe trop bien, où tu retournes les salles et tout. Tu sais, tout ce que tu fais, t'arrives, entre guillemets, t'arrives pas aux grosses occasions par hasard, tu vois, c'est qu'avant, ça s'est bien passé. Mais après, bon, faut savoir assurer sur ces choses-là, et ça, je pense que ça se fait avec le temps, l'expérience. Bah, c'est comme tout, en fait. Plus tu fais une chose, plus tu la maîtrises, tu vois. Exactement, ouais. Et c'est le temps, le travail et l'expérience qui font ces choses-là, ouais. Ah bah, la bonne nouvelle, c'est que t'es bien parti pour continuer à t'améliorer là-dedans et à nous offrir de beaux passages sur scène et en télé. Franchement, je croise les doigts, j'espère. La période, elle est compliquée, mais j'espère. Il n'y a pas de raison. Ouais, j'espère que ça va reprendre et que ça va être fou et qu'il y aura deux fois plus de monde qu'avant et que tout ça va être la folie, quoi. Et du coup, on a vu les anecdotes un petit peu galères, un petit peu négatives et tout, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué vraiment en positif, des anecdotes dont tu te souviens vraiment qui t'ont marqué et qui te font sourire aujourd'hui quand tu y repenses? Ouais, bonne anecdote, c'est... tu sais, moi, j'ai joué beaucoup au Paname. La première fois qu'on me donne ma chance au Paname, c'est dans une soirée où il y a 100 personnes, la cave elle est bondée, il n'y avait pas encore le Covid, hein, je précise. Et c'est mon premier passage vraiment en soirée à 20h sur un gros truc et tout. Et là, tu sais, genre, des fois ça se passe comme ça, genre toutes les planètes elles s'alignent et des gros rires tout le temps, gros rires. Je fais des petites impros, ça se passe trop bien. Sans prétention, je retourne la salle, tu vois. C'est la prétention parce que retourner une salle, c'est quand même. Tu vois? Mais vraiment, je fais un 180 degrés avec la salle, tu vois? Ah ouais! Ça se passe trop bien. Toutes les planètes, elles s'alignent et je passe un. Franchement, là, après, quand tu vis ça, tu te dis, OK, il y a des galères, c'est dur. Il y a des moments où ça s'est mal passé, on m'a peut-être donné ma chance et je ne l'ai peut-être pas saisi à certains moments. Mais quand tu vis ça, tu te dis, ça vaut le coup, tu vois. Oui, bien sûr. On est obligé de supporter les galères pour pouvoir récolter après les bonnes scènes, quoi. Tu ne peux pas commencer que par du bon et avoir que du bon toute l'année. Et puis, de toute façon, si tu n'avais que du bon, ça n'aurait aucune valeur, tu vois. Ouais, alors, là, c'est ça. Ça te fait sur un petit nuage, tu vois. C'est ça. Là, tu galères des fois, tu as mal, tu marches vraiment, le chemin vers la maison, il est long. Et des fois, tu kiffes comme pas possible, quoi. Ouais, c'est un truc de ouf. Après, pareil, je suis partie jouer... au Canada, à Montréal. Ah, génial. Et ça, c'était incroyable. Ah ben moi, c'est un de mes rêves d'aller jouer à Montréal. J'ai eu quelques invités québécois. J'ai entendu beaucoup de bien de tout ça. Et vraiment, enfin, le Québec et tout, pour moi, c'est l'Amérique accessible, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un truc un peu mythique là-bas, de stand-up et tout. Et quand tu te retrouves à jouer au Bordel Club ou quand tu te retrouves à jouer, je sais pas, devant plein de... En fait, tu sais, c'est vraiment un autre univers, quoi. T'es sur une autre planète et c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai surkiffé cette expérience. Pour te dire à quel point j'ai kiffé, c'est qu'à la fin, je me suis dit, et si je restais là-bas, tu vois? Ah. Et après, t'as ce truc-là de, OK, tu vas rester là-bas, tu vas kiffer pendant un mois et puis l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs, tu vois. Donc, il faut essayer de faire ton trou à Paris aussi, tu vois. Oui, après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient, moi le premier, hein, tu vois, qui voudraient habiter là-bas et tout. Mais bon, on a des vies qui font que ce n'est pas possible dans l'immédiat, on va dire. Tu vois, moi, j'ai toute ma famille ici, tout ça, c'est compliqué. Ouais, mais c'est vrai. Tu as les attaches familiales. Voilà. Moi, j'ai des attaches qui font que je ne peux pas bouger, je ne peux pas quitter la France, quoi. Et de toute façon, ce n'est pas mon but. Je ne veux pas quitter la France, mais c'est vrai qu'aller vivre là-bas, ça aurait été génial au niveau stand-up. Mais le pays, la France, j'y suis attaché. Tu vois, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai commencé le stand-up ici. J'aimerais bien aller pour le kiff, aller jouer là-bas de temps en temps. Mais par contre, ma base, ça restera la France. Ouais, c'est clair. Mais là-bas, il y a un truc différent. C'est une culture du travail, en fait, qui est différente. Tu sais, je me posais là-bas, tu te poses dans un bar, tu vois des humoristes, tu leur dis salut, Jean-France, est-ce que vous pouvez m'aider un peu parce que je connais pas tous les termes, je sais pas si ça va passer chez vous au niveau culturel, etc. Tu sais, moi je parle beaucoup de télé, Koh-Lanta, tout ça, donc je savais pas si ça allait passer. Les mecs, ils me connaissaient après, ils m'ont dit vas-y, viens, on prend du temps, on s'assied avec toi, on transforme tout ça, il n'y a pas de souci. c'est vraiment genre ils m'ont accueilli de ouf. Et même le public, je trouve, là-bas, et c'est des connaisseurs, hein, mais ils sont incroyables. Ils sont vraiment... C'est une expérience que j'oublierai jamais et j'ai tellement... Dès que j'ai l'occasion, j'y retourne direct, tu vois. Ouais, bah, je te le souhaite. Hein. C'est vrai que le public de Montréal, public québécois en général, est très connaisseur au niveau de l'humour parce que là-bas, l'humour est, enfin le stand-up en tout cas, est très respecté. Ici en France, on a un petit problème, c'est que c'est toujours le théâtre plus conventionnel qui est mis en avant et le stand-up est un peu considéré comme un cousin pauvre. Tu vois, ouais, un parent... ça commence à s'inverser pour moi. Ça commence à s'inverser. Ça commence, mais vraiment ça commence. Déjà rien que le fait que, d'avoir le Paname, Génération Paname et tout à la télé, tout ça, déjà... On apporte du stand-up, d'une nouvelle génération, ça va, ça commence un peu à s'ouvrir, mais ouais, malheureusement, le stand-up a souvent été considéré comme le parent pauvre du théâtre, et on nous le fait ressentir des fois, enfin, voilà, mais ça commence à s'ouvrir, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour assister à tout ça, et pouvoir profiter de l'ouverture des gens, et de leur faire découvrir nos univers qui sont totalement différents, et voilà, qui sont loin des clichés que souvent les gens ont sur le stand-up, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, faut aller à l'encontre de tous les clichés, il faut montrer aux gens que c'est un truc incroyable et ça mérite d'être de plus en plus connu et ça, pour moi ça le devient, la tendance est vraiment en train de s'inverser. Mmh. Oui, mais de toute façon, c'est comme ça que ça s'est passé aussi aux États-Unis et tout, eux ils ont juste, on va dire, 30 ans d'avance sur nous, tu vois. Ils ont 30 ans d'avance sur nous, donc petit à petit, ça avance. Là, le stand-up est en train d'avancer vers son âge d'or, en fait. Même si on a eu quand même de belles années avant le Covid, tout ça, ça commençait vraiment à prendre. Mais je pense que là, on va être en plein essor du stand-up. Et après, ça va devenir normal, quoi. Ouais, et puis aussi, il y a plein de comédie clubs qui sont nouveaux. Il y a plein de lieux qui ouvrent. Avant, t'en avais un ou deux dans Paname. Maintenant, t'en as partout. Et c'est pas plus mal, ça ouvre de la concurrence, ça fait découvrir le stand-up à plein de gens qui connaissaient pas du tout, tu vois. Et puis ça fait du temps de scène aux débutants qui savent pas vraiment par où commencer. Exactement, là où, ouais. Voilà, là il y a tout à faire, ouais. Dans les open mic. Il y a les open mic du Fridge, du Barbès et tout, c'est vraiment intéressant. Ouais. Aller jouer là-bas. Moi, quand j'ai commencé le stand-up, donc moi j'ai commencé à Bordeaux, quand j'ai commencé le stand-up, il n'y avait absolument rien. J'étais parti dans un théâtre, un petit café-théâtre qui n'existe plus maintenant. J'avais demandé, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré les humoristes du coin et qu'on s'est vraiment liés d'amitié et tout. Et j'ai demandé s'il y avait possibilité de faire des premières parties. C'était mes premières scènes, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc voilà, ça. Mes deux premières scènes, c'était une chicha et après la chicha. Ah oui, j'ai commencé par du dur, tu vois. Ah ouais, c'est ça, et puis t'es vacciné, après tu pouvais faire... Ah mais ils étaient sympas, c'était pas les chichas trop durs, ça va, ils étaient vraiment sympas. Premier passage, ça s'est bien passé, deuxième passage, c'était pas un bide, mais bon, c'était vraiment très moyen, et puis après, il y a eu des mois et des mois sans scène, parce que leur scène ouverte s'était arrêtée, j'ai écrit mon spectacle, et puis j'ai été testé morceau par morceau, en première partie des copains dans ce café-théâtre, après j'ai joué moi-même et tout, et puis petit à petit, on a ouvert notre scène ouverte qui s'appelle le Gavé Style. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est tous les jeudis et tout à Bordeaux. Et on s'est fait ce petit laboratoire pour vraiment pouvoir jouer, se donner du temps de scène et tout. Mais c'était petit à petit. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence, il peut jouer partout, vraiment partout. Ouais. Alors que nous, quand on a commencé, tu vois, moi j'ai commencé en 2012, fin 2012, c'était dur, quoi. Ouais, au début, ouais, c'est simple. S'il y a un endroit qui te disait non, après c'était un peu bloqué, quoi. Mais c'est vrai que maintenant. Il y a un endroit qui te dit non, tu dis pas de souci, je vais aller voir ailleurs. Et puis sinon, pas de souci, je vais ouvrir mon propre lieu. Puis il y a plein de bars qui sont friands de ça aussi, qui savent que ça ramène du monde et que ça fait rentrer de l'argent aussi. Donc ouais, il y a rien qui est bloqué maintenant. Il n'y a pas un humoriste qui peut commencer et dire c'est difficile de commencer parce qu'on veut de moi nulle part. Non. Maintenant, tu peux jouer partout, tout le temps. C'est ça. Si on veut de toi nulle part, c'est que t'es pas marrant, c'est tout. Non, même si t'es pas marrant, c'est normal de pas être marrant au début, j'ai l'impression, faut pas être aussi sévère. Mais c'était pour la vanne, hein, t'inquiète pas, bien évidemment. Là, celui qui te parle, il a pas été marrant non plus pendant très longtemps, et peut-être qu'il l'est toujours pas, tu vois, donc t'inquiète pas. Hein. Ouais, personne n'est marrant au début. Ah, bien sûr. Et puis même aujourd'hui, regarde, t'as un hit, tu repars le lendemain sur un rodage de nouveaux sketchs. Ce sera pas marrant, quoi. Ouais, exactement. Et ouais, maintenant on peut jouer partout tout le temps, donc ça c'est aussi vraiment un vrai avantage par rapport à avant, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est sûr qu'avant, ouais, il n'y avait pas la même culture. Aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, ça arrive à la télé, parce que les gens se fient beaucoup à la télé, tu vois. Maintenant, c'est mis en avant, il y a des stand-uppers qui sont un peu partout dans les médias et tout. Donc, c'est vraiment plus facile aujourd'hui pour les gens de nous identifier. Et puis, ceux qui ne connaissent pas du tout le stand-up connaissent au moins minimum le Marrakech du Rire. Et là, ils vont te dire, ah ouais, c'est comme au Marrakech du Rire et tout. Et tu dis, oui, voilà, je prends un micro et je parle avec les gens directement. Ouais, voilà. C'est, pour moi, c'est de plus en plus connu. Il n'y a pas trop de mal à expliquer ça aux gens. Et puis, j'espère que ça le sera de plus en plus, on va dire. Ouais, bah on espère, hein. Et ben merci beaucoup, Clem, pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions sur le stand-up. On espère que ça va aller de mieux en mieux et qu'on va avoir de plus en plus d'ouverture d'esprit des gens sur le stand-up et qu'ils viendront nous découvrir, qu'ils auront une soif de nous découvrir. Et pour ça, justement, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça exactement, sur tout un peu tous les réseaux, Clem Stand Up, tout attaché. Et je D'accord. suis partout, sur Instagram, sur TikTok, sur. Ouais, une page Facebook, Twitter, YouTube. Ouais, ça, à chaque fois, c'est Clem Stand Up. Je crois que j'ai pas voulu compliquer la vie aux gens, donc ça doit être ça à D'accord. chaque fois. Bon, bah, très bien. Écoute, je mettrai tous les liens. Je mettrai, du coup, si je trouve Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, il n'y a pas de souci. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.